Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Gémozo, qui s'appelait autrefois au début Radio Trait d'Union. C'était pas mal non plus Radio Trait d'Union, hein. Ça disait ce que ça disait. Eh oui. Alors, programme, donc, Serge Faubert, personne ne veut sauver Macron, hein. Ensuite, RGM, Jean Tisserand, gynécologue en retraite, interviewé par Hélène de la radio. Ensuite, est-ce que Coluche serait encore la coqueluche des télévisions? Point d'interrogation. Allez. Jean-Yann, je fais ce que la télévision me dit. Oui. Jean-Yann, je fais ce que la télévision me dit. Et puis un peu plus loin, Jean-Yann, si tu t'en irais. Une chanson de Jean-Yann, si tu t'en irais. Et puis, voilà, Daniel Guichard, mon vieux. Le théâtre manifeste la filature, Macron démission. TV5 Monde, l'Algérie réagit à la mort de Naël. Et puis, bah, une petite revue de presse, et voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 10 juillet ? Eh bien, par exemple, le 10 juillet 1582, au Mexique, les servants de la cathédrale de Mexico se solidarisent avec les chanteurs et font grève avec eux jusqu'au 22 août. 1860, Grande-Bretagne, première réunion du Conseil des syndicats de Londres, la Junta fondée le 4 juin. 1870, Autriche, ouverture d'un procès de haute trahison contre les chefs du mouvement ouvrier. 10 d'entre eux seront condamnés. 1892, France, l'anarchiste Ravachol est guillotiné à Montbrison. À son procès, accusé de 5 crimes, il avait tiré un papier de sa poche et lu d'une voix sûre « L'anarchie veut faire de la société une grande famille où le plus faible sera protégé par tous, où tous les biens seront communs, où chacun pourra manger à sa faim, où chacun pourra manger à sa faim. Mon intention a été de terroriser pour forcer la société à jeter un regard plus attentif sur ceux qui souffrent. On a tort de nous prendre pour des criminels. Nous ne sommes que les défenseurs des opprimés. J'ai dit, point d'exclamation, fermons les guillemets. 1892, USA. Le gouverneur de l'État de Pennsylvanie envoie 8000 hommes de la garde nationale pour établir l'ordre à Pittsburgh. L'état de siège durera 5 mois. 5 mois. 1894, Espagne. Une loi réprime l'anarchisme et les attentats par substance ou appareil explosif. 1910, USA. Suite à la levée des 20 000, 60 000 travailleurs et travailleuses du textile manifestent dans les rues de New York. Ils gagnent les 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. En 1910, aux USA, United States of America, comme on dit sur les radios libres et locales. 1915, France, une loi fixe un salaire minimum pour les ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement. 1919, Pays-Bas, le suffrage universel féminin et la journée de 8 heures sont instaurés. 1919, Pays-Bas. 1940, France. Le pouvoir est entre les mains de Pétain, à Vichy. La République française fait place à l'État français. La République française fait place à l'État français. Alors évidemment, toute ressemblance entre 1940 et 2023, la République française fait place à l'État français. Liberté, égalité, fraternité va être remplacée par travail, famille, patrie. L'ordre nouveau, entre guillemets, ordre nouveau, est instauré. Une période difficile pour le mouvement ouvrier commence. Les acquis de 1936 finiront par être totalement anéantis. La chasse aux militants s'intensifie. La bourgeoisie cherche à établir un régime de collaboration de classe. Je rappelle qu'il s'agit de 1940 et du régime du maréchal Pétain. Rien à voir avec 2023 et Macron. 1961, Égypte. Nationalisation de 400 entreprises industrielles, bancaires et commerciales. 1969, Canada. Les policiers de Montréal déclenchent une grève pour un salaire de 10 000 $ par an. Les chauffeurs de taxi qui ne font annuellement que 3 000 $ se dirigent spontanément vers le garage de Murray Hill. Des mercenaires de la compagnie des taxis déclenchent une fusillade. Un agitateur de la police déguisé en gréviste est tué. C'est écrit sur mon bouquin, hein. Un agitateur de la police déguisé en gréviste. 1978, Canada. Les travailleurs des breuvages, boissons gazeuses, Lucien Larrivée, syndiqué à la CSN,

de consensus et davantage de parlementaires. Vous faites des appels du pied à qui ? Moi, ça m'irait mieux. Des appels du pied à qui, demande mon confrère Francis Letellier ? Pas seulement les partis. Le Parti des Républicains, Mais aussi tous les sociaux-démocrates qui siègent à l'Assemblée nationale. Tous les sociaux-démocrates qui siègent à l'Assemblée nationale. Mais de qui peut-il s'agir ? Il y a bien les socialistes, mais ces derniers ont choisi l'opposition frontale avec la NUPES. Certes, deux élus socialistes hostiles à la NUPES siègent pour cette raison sur les bancs du groupe Liot, mais ils ne sauraient constituer une prise de guerre, même si l'Ariège, dont ils sont issus, est un très beau département. Alors peut-être quelqu'un au sommet de l'État nourrit-il le secret espoir d'embarquer Bernard Cazeneuve ou Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sur la galère gouvernementale. Mais pour ce qui est du renouveau, on repassera. Cependant, Yael Braun-Pivet a sa petite idée. Dans Le Parisien de samedi, elle avance des noms. Si l'on se dit que sur tel ou tel aspect d'une politique publique, on a la même vision, il est intéressant de faire entrer au gouvernement des ministres LR ou d'autres partis. Ça peut être un parti social-démocrate, de gauche, mais aussi quelqu'un du groupe écologiste ou même du PC. Chez les communistes, le président Chassaigne est très engagé sur les sujets agricoles, le député Stéphane Peu sur la ville et le logement. Pour l'heure, les intéressés n'ont pas réagi. Cette offre publique d'achat mérite-t-elle vraiment qu'on y réponde ? Et puis, si cette éventualité avait un soupçon de réalité, Yael Braun-Pivet se garderait de l'évoquer publiquement. Ce démarchage n'est qu'un leurre. Le véritable objectif des macronistes reste la conclusion d'un accord de gouvernement avec les Républicains. Je vous rappelle que la majorité, elle a fait passer une trentaine de textes jusqu'à présent, sans aucune alliance au fond. Et donc la question qui est posée, c'est de se dire, est-ce que ce système est pérenne ? Est-ce qu'on peut le reproduire, y compris sur les prochains budgets ? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin ? Comment faire passer le texte sur l'immigration qui est si important pour nous, je vous le rappelle, puisqu'il s'agit d'expulser davantage les délinquants et de régulariser les travailleurs, et puis également de simplifier la procédure qui concerne les juridictions administratives comme le droit d'asile. Et donc de ce point de vue-là, il s'agit pour le parti Renaissance de ses responsables départementaux à ses ministres, en passant naturellement par ses parlementaires, de définir sa stratégie à l'égard de ceux qui peuvent être des partenaires. Mais voilà, les Républicains n'ont aucune intention de saisir la main qui leur est tendue. Ça fait 6 ans qu'on dit qu'on n'a rien à voir avec, avec le projet politique de M. Macron. Le projet politique de M. Macron, c'est toujours plus d'immigration, par exemple. On veut beaucoup moins d'immigration. C'est aucune volonté en matière de sécurité. L'événement de Bordeaux n'est qu'une illustration de l'effondrement de l'autorité dans notre pays. On n'a rien à voir sur la vision de l'économie de M. Macron, qui reste une vision très, très, très mondialiste, là où il faudrait se préoccuper un peu plus des intérêts économiques de nos petites entreprises. Regardez la situation dans laquelle elles sont face à la question du prix de l'énergie. Non, on n'a vraiment rien à voir avec ce gouvernement. Donc, n'attendez pas de nous quelques pactes que ce soit, quoi. Je crois qu'on a été très clair sur ce sujet-là. En politique, les ambitions personnelles ont souvent raison des grands principes. Pourtant, Olivier Marleix ne croit pas à un débauchage individuel. Non, les gens qui posséderaient, vous trouverez toujours partout, dans toute société humaine, des gens qui sont mus d'abord par petite ambition personnelle. Mais enfin, chez nous, vous remarquerez que depuis l'épisode d'Edouard Philippe, le maire d'Armanin, ils ont fait chou blanc, quoi. Voilà, donc c'est la dernière fois, il y a eu M. Abad, mais ça s'est pas bien terminé. Vendredi soir, dans un ultime assaut d'amabilité en direction de la droite, Gérald Darmanin a annoncé que le gouvernement renonçait à présenter en juillet son propre projet de loi sur l'immigration. Ce texte prévoit la régularisation de certaines catégories de travailleurs sans papier, un casus belli pour la droite. Mais le retrait du projet de loi ne devrait pas changer grand-chose à la décision des Républicains de rester en dehors du gouvernement. Leur survie politique est à ce prix. Mercredi prochain, cela fera pile un an que la nouvelle Assemblée a commencé à siéger. Une bonne occasion de se pencher sur le bilan de la NUPES, 100 fois enterré, 100 fois ressuscité, le phénix du Palais Bourbon. On s'en souvient, ces derniers mois à gauche, le style des insoumis en avait agacé plus d'un, notamment pendant le débat sur la réforme des retraites. Écologistes et socialistes réclamaient à corps et à cri un acte 2 de la NUPES. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour Mathilde Panot, il n'est pas question de faire amende honorable. Oui, il existe un style insoumis dont nous sommes assez fiers. Et quand je vous disais que ça a recréé des liens entre le peuple et la politique, vous observerez que nous étions 17 en 2017 et que nous sommes aujourd'hui 75 avec ce fameux style dont vous parlez. Du côté des socialistes, on se montre plus nuancé. Ça fait un an maintenant que, pas à chaque conférence de presse, mais souvent, on nous dit la NUPES c'est fini, la NUPES va exploser, et qu'au bout d'un an, on est toujours là. Donc finalement, le mariage tient. Est-ce qu'il y a eu que des bons moments? La réponse est non. Est-ce que la relation a été idyllique? La réponse est non. Si elle n'a pas été une longue lune de miel, la NUPES s'est quand même révélée une bonne surprise sur le plan parlementaire. C'est du moins le sentiment de Clémentine Autain. À l'Assemblée nationale, je pense que le bilan de la NUPES est très positif sur une année. La NUPES, c'est un rassemblement qui fédère différentes sensibilités, cultures, formation politique. Donc par définition, on n'a pas à être d'accord sur tout. Si on était d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Donc il faut savoir faire vivre ce pluralisme sans perdre en cohérence générale. Et je trouve que cette année, on a bien réussi. Les écologistes se montrent également satisfaits. Dans les faits, un an après, on est toujours là. Qu'on a installé des habitudes de travail. Alors je sais que c'est pas vendeur, mais pour avancer, c'est quand même essentiel. C'est-à-dire le fait de se voir toutes les semaines, le fait maintenant d'avoir une plénière à 150 qui a lieu tous les mois, le fait qu'on a aujourd'hui des groupes de travail comme le groupe de trait institution qui sont mis en place. Donc en fait, ces habitudes de travail, c'est ce qui fait déjà que ça tient. C'est vraiment une coalition, c'est-à-dire quatre groupes qui assument son projet, qui assument ses identités, mais qui savent travailler ensemble pour construire des compromis et finalement approfondir ce qui nous a réunis. Et je pense qu'on a un objectif commun, c'est de se dire en 2027, on doit avoir le programme le plus solide pour pouvoir gouverner. La vraie question maintenant est de savoir si la NUPES résistera à la multiplication des listes de gauche aux européennes. Les jeunes de la NUPES veulent éviter que leurs partis respectifs aillent en ordre dispersé à la bataille des européennes. Dimanche, ils se sont retrouvés à Alfortville dans le Val-de-Marne pour un forum, ou plutôt une chasse à l'éléphant. Je crois profondément que comme les socialistes ont changé ces dernières années, les insoumis aussi, peut-être, peuvent le faire. Que les écologistes aussi, peut-être, peuvent le faire. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de laisser des éléphants responsables de notre chute décider de notre avenir. Restez ! Restez dans vos salles sombres ! Restez ! Restez dans vos salles sombres, dans vos chuchotements ! Nous ne voulons plus vous entendre ! Vous nous avez fait perdre, laissez-nous gagner. Vous avez choisi Créteil. Nous sommes à Alfortville. Créteil, c'est la ville où Bernard Cazeneuve a tenu voici deux semaines le premier meeting de son mouvement baptisé la Convention. Un repoussoir pour les jeunes de la NUPES qui ne jurent que par un programme commun. On a lancé un processus de débat entre nos organisations pour essayer de voir qu'est-ce qui est convergent entre nous et ensuite de voir si à la fin on arrivera à dire qu'on est pour une liste d'union. Mais... parce que tant que les listes ne sont pas déposées, les jeux ne sont pas faits. Ouais. Nous on est optimistes. Si la jeunesse porte plus l'espoir, si la jeunesse se bat plus, alors qui va se battre? Justement, nous ce qu'on essaye de faire, c'est systématiquement remettre le débat sur la question du programme et est-ce que oui ou non on peut porter un projet commun ou pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a un programme potentiellement commun, là, on peut transformer les choses. On va regarder concrètement quelles sont nos différences, on va se saisir des points clivants, ça a été dit, on va parler quelle politique pour la paix en Europe, on va se saisir des sujets de libéralisme, de fédéralisme, on va se saisir aussi de la question des traités, et en fait, on va vraiment voir s'il y a tant de divergences que ça, et je pense qu'il y a des moyens de trouver un compromis entre tout le monde. Les communistes, pourtant invités, étaient les grands absents de ce forum. Les organisateurs ne désespéraient pas de les associer aux prochains événements. L'union est un combat. Cette semaine, l'Assemblée va examiner le projet de loi sur le partage de la valeur. Il s'agit de la transcription législative de l'accord national interprofessionnel signé en mai dernier par les partenaires sociaux. Mais les débats pourraient s'enflammer car la gauche ne manquera pas d'évoquer la taxation des superprofits et la nécessité d'augmenter les salaires plutôt que de distribuer des primes. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme toujours, n'hésitez pas à la partager. Les pouces sont appréciés. Et pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Comme le remarquait Bruno Le Maire, les pâtes, ça coûte cher. Alors pour nous soutenir financièrement, je vous donne rendez-vous sur DonorBox. Vous êtes notre principale ressource et le gage de notre indépendance. Merci de vos contributions et de vos messages d'encouragement. Je vous dis à jeudi pour un nouveau numéro du Bourbon de Serge. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Vendredi prochain, 30 juin, la direction de l'hôpital s'apprête à fermer la néonatologie, et ce qui condamnerait à terme la maternité. La maternité de niveau 2 actuellement, parce qu'il y a une néonatologie, deviendrait de niveau 1. Et un rapport récent dit qu'il faut fermer toutes les maternités de niveau 1 de moins de 1000 accouchements. Donc on enlève la sécurité à cette maternité et ensuite on risque de la fermer par manque de sécurité. C'est totalement illogique, c'est extrêmement grave et c'est des économies financières au détriment de l'état de santé des femmes du secteur, et des accouchées et des enfants. Et d'ailleurs, récemment, alors que la France était vraiment en pointe, au niveau européen et même international, la France a régressé au niveau de la mortalité... Périnatale. Périnatale, oui. Alors que c'était... l'inverse auparavant. Et ceci malgré les différents plans de périnatalité mis en place par les ministères et les équipes de gynécologues obstétriciens agrégés des hôpitaux parisiens qui préconisent la fermeture de nouveau 400 maternités en France. Et alors on éloigne les femmes et il y aura des accouchements à domicile dans les moyens de transport et on sait que ces accouchements sont catastrophiques. Ah ben bien sûr, une mortalité énorme. Les pompiers, même s'ils veulent faire le maximum, ils n'ont pas le plateau technique qu'on a dans une maternité. Oui. En maternité, il y a quelquefois des accouchements difficiles avec des hémorragies graves et on serre les fesses, je dirais, pour sauver ces femmes et ces enfants. Et quand ça arrivera dans les ambulances, l'affaire est perdue, quoi. Mmh. Alors, nous organisons une grande manifestation en même temps que le conseil de surveillance face à l'hôpital de Remiremont, vendredi prochain, 30 juin, à 14h. Je sonne le tocsin, c'est très grave, il faut que tout le monde vienne, il faut manifester, c'est le moment ou jamais. C'est à quel endroit alors la manifestation ? À l'hôpital, devant l'hôpital de Remiremont. Devant l'hôpital, ce sera un rassemblement. Mais il faut qu'on se mette un maximum de personnes, de gens motivés pour dénoncer ça. En plus, sur le plan écologique, c'est une catastrophe si tout le monde va vers... On dit tout et son contraire. On dit ne prenez plus votre voiture, faites du vélo, le bilan carbone, etc., etc. Et là, on voit tout le monde sur Épinal. 800 accouchements, aller-retour. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, c'est pointé. Plutôt que de faire venir, même s'il y a des pénuries,

Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic s'est tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous blessés, par contre. Ils étaient peut-être armés aussi, non? Ils étaient probablement. Je ne vais pas prendre la place du syndicat de policiers. Il a pas voulu venir, il a pas voulu venir. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la police n'a pas un rôle facile, et moi, je ne suis pas contre la police en général. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous. Vous ne pouvez pas mettre sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme utilisé. Oui, mais expliquez-moi comment un gangster qui attaque un policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison, moi je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Moi, je suis pour le principe de la police. Personne ne peut être contre. Ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois. Mais je pense que les policiers devraient d'abord être mieux recrutés, parce que vraiment, il y a des lots. Hein. Moi, je suis allé dans un commissariat il n'y a encore pas longtemps, j'y ai passé quelques temps. Volontairement ou... Pas exactement, non. Pas exactement. Je ne fais plus d'enquête depuis un moment sur les commissariats. Maintenant, c'est eux qui en font. C'est-à-dire que quand ils ramassent Coluche, ils disent « Viens, au commissariat, au moins on va se marrer ». Et en fait, comme je l'ai fait parler, ils m'ont relâché assez vite. Et Coluche, et... on ne l'arrête plus maintenant. Si, si, bien sûr, monsieur. Si, si, je me suis fait arrêter en mobilette il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas mes papiers, ils m'ont emballé. Ils ne voulaient pas croire que c'était moi, Coluche. Bon, alors, ça fait rien. Je m'en fous, de toute façon, moi, j'ai du temps à perdre. Je suis plus riche que lui, alors je m'en tamponne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un climat. D'abord, il pourrait les repeindre, à mon avis, les commissariats. Il pourrait être poli avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Il pourrait se laver pour la plupart, il va être très sale. Là, vous généralisez, là, quand même. Très, très sale. Non, mais vous généralisez. Ah non, les mecs qui passent leur vie en mobilette dans Paris, ils sont crado, hein, quand ils ont pris trois fois la flotte. Faut dire qu'ils sont habillés un petit peu cheap aussi, peut-être. Moi, j'aurais mis un petit drap plus coquet. Bon, enfin bref, on a vraiment l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment, hein. Ah non, ça fait peur. Le représentant des syndicats de police, un mec qui s'est fait encadrer par un policier, un carrefour, un accident, et bon, il s'est fait encadrer. Le flic est descendu, il disait à sa femme, appelle les collègues et tout. Et ce mec-là se croit protégé parce que simplement il est policier. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse. Bon, on n'a pas pu donc avoir la présence aujourd'hui du représentant de la police. Merci beaucoup, la police. J'espère qu'il reviendra. C'est un homme sur lequel très peu de personnes acceptent de s'exprimer. Je ne peux pas me permettre de communiquer sur la personne du ministre de l'Intérieur en ce moment. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fait peur. Il a un atout, Gérald Darmanin, c'est qu'il est craint. Un carriériste qui a gravi rapidement les échelons du pouvoir, devenant l'un des plus jeunes ministres de la Ve République. Le meilleur de sa génération, selon Emmanuel Macron. C'est un adversaire politique redoutable, qui sait polariser le débat politique. Darmanin, comme l'appellent ses proches, est adepte des phrases choc et des contre-vérités. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République ? Il ne faut jamais farder la vérité, hein. Mais dans son ascension fulgurante, Darmanin va être rattrapé par son passé. J'étais sur le bord du lit, et j'arrivais pas à bouger. Trahison, mensonge et abus de pouvoir, enquête sur un homme prêt à tout pour assouvir son ambition, devenir président de la République. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je vous trouve, là. C'est dans le Nord que la carrière politique de Gérald Darmanin démarre. Âgé de 24 ans, et étudiant à Sciences Po Lille, ce fils d'une mère concierge à la Banque de France se fait très vite remarquer pour ses prises de position par les barons locaux de la droite. Comme ici, en 2006, où il proteste contre le blocage de l'université durant le mouvement contre le CPE. J'attends au moins que des cours soient délocalisés dans d'autres locaux, comme la jurisprudence constante a décidé. Et puis si jamais, bien sûr, et ce ne serait pas accepté, j'irai faire la même chose au pénal, puisque la question de savoir si le tribunal est compétent ou pas. Jean-René Le Seur, président du conseil départemental du Nord. J'ai décidé d'arrêter ma politique après ce mandat de président. J'avais déclaré à la presse, qui l'a repris souvent d'ailleurs ensuite, que dès comme ça, on en voyait passer un tous les 20 ou 25 ans et qu'il fallait pas les rater. Il faut pas les rater parce que c'était effectivement la possibilité de régénérer quelque peu par la jeunesse, par les idées nouvelles, des formations politiques qui devenaient un peu sclérosées. Résident à Tourcoing, Gérald Darmanin va se rapprocher de la figure locale de la droite, Christian Van Est, député de la 10e circonscription du Nord. Christian Van Est, c'est un personnage très complexe. Hein. Il avait effectivement des idées qu'il a un peu à la fois affirmées, qui étaient des idées qui le rapprochaient effectivement de l'extrême droite et qui ne masquaient pas une certaine également un certain côté que moi je trouvais insupportable sur des questions de société. On ne peut pas mettre sur le même niveau quelque chose qui est fondamental dans l'humanité, qui permet notamment à l'humanité de se perpétuer, et autre chose qui relève de la vie privée, mais qui n'a pas à être considérée sur le même plan, c'est tout. Van Est était le chef de la formation RPR puis UMP sur Tourcoing, Gérald étant à Tourcoing, Van Est étant leader à Tourcoing, Van Est se rendant compte des qualités intellectuelles de Gérald Darmanin et souhaitant effectivement le prendre à ses côtés, bah, il s'est retrouvé assistant parlementaire. C'est pas pour autant, pour moi, qui partageait les idées de Van Est. En septembre 2008, après avoir été le directeur de campagne de Christian Van Est au municipal, Gérald Darmanin se met à écrire des tribunes dans Politique Magazine, une revue créée par les membres de l'Action française, groupuscule d'extrême droite. Dans l'une d'entre elles, le jeune collaborateur de Christian Van Est s'en prend au Parti socialiste, qu'il qualifie de parti de bobo, et affirme des idées conservatrices, notamment sur le mariage homosexuel. Que les socialistes acceptent véritablement l'économie de marché en refusant le libéralisme, qu'ils acceptent d'avoir un discours favorable à la famille traditionnelle, celle du petit peuple, un homme, une femme, des enfants, un discours d'ordre, et s'engagent à refuser l'Europe de Maastricht et d'Amsterdam, alors ils seront en phase avec la grande marée de l'électorat populaire. Mais pour continuer son ascension, Gérald Darmanin va vite comprendre qu'il doit tuer le père. La première, à mon avis, trahison, c'est en 2012, quand Christian Van Est, à l'occasion des élections législatives, Christian Van Est a d'abord été investi. Puis il lui prend, comme c'est régulier, de faire une sortie homophobe de première intention, et il est à ce moment-là suspendu. Donc on pense tout de suite à Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin dit en conférence de presse, il est hors de question de trahir Christian, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Texto, hein. Bon, et 10 jours après, il annonce qu'il sera candidat, voilà, et Christian Van Est en gardera une amertume et une colère dont, à mon avis, il ne s'est toujours pas remis. C'est quelqu'un en qui j'avais placé toute ma confiance, et qui l'a trahi d'une façon parfaitement sournoise. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut fonctionner de cette façon-là. Darmanin qui me racontait qu'il avait rencontré à l'époque, je crois que c'est Copé, qui était secrétaire général du mouvement, et que Copé lui avait dit, bon, bien évidemment, on t'a mis candidat parce qu'on pouvait pas mettre Van Est, t'as aucune chance d'être élu, tu verras ça plus tard. Quoi. On est sur la vague Hollande, hein. En principe, bon, ça doit porter. Or, la candidate désignée du Parti Socialiste, c'est Zina Damani, elle est la numéro 2 du PS à Tourcoing, et il n'y a pas de raison, a priori, qu'elle profite pas de la vague Hollande. Et Darmanin fait vraiment une bonne campagne. Et puis, badaboum, il a été élu tout de suite aux fonctions de député. Ici, dans la 10e du Nord, c'est donc l'UMP qui l'emporte, le candidat UMP devant le Parti Socialiste, un candidat UMP comblé qui succède ainsi à un certain Christian Van Est. C'est une élection où les coups ont volé bas. Les tracts anonymes foisonnent à cette époque-là, notamment, bon, si Zina Damani est élue, on verra les mosquées, les minarets s'élever partout dans Tourcoing, bon, qui est une ville où le Front National a pesé très lourd à une époque. 2 ans après, il se présente aux élections municipales et il est élu, effectivement, maire de Tourcoing. C'est dans le paysage politique, c'était un coup de tonnerre. Gérald Darmanin qui fait le V de la victoire, il est le nouveau Ce sont les Tourquenois, ils ont choisi l'alternance. Et il faut respecter cette alternance après 25 ans de socialisme. Et demain, je ne serai pas le maire de l'UMP. Je ne serai pas le maire d'un parti politique. Je serai le maire de tous les Tourquenois. Aucun doute, Gérald Darmanin a fait une bonne campagne, très dynamique, de terrain, des bistrots, des réunions d'appartements. Mais c'est pas ça qui, à mon avis, était décisif. D'abord, c'est les arguments anxiogènes qu'il a pu développer. Il n'a pas fait dans la dentelle. Il a annoncé que la mairie de Tourcoing était en faillite et qu'elle allait être mise sous tutelle et administrée par le préfet. Or, j'ai eu beaucoup travailler sur la question. C'est faux. On voit d'ailleurs, on perçoit d'ailleurs un peu peut-être le rapport à la vérité qu'a Gérald Darmanin. Après avoir assis sa domination dans le Nord, Gérald Darmanin décide en 2014 de rejoindre celui pour qui il a une admiration sans limite, Nicolas Sarkozy, qui est alors président de l'UMP. Comment est-il venu vous chercher, Nicolas Sarkozy ? Qui vous a présenté ? Je suis devenu député après la défaite de Nicolas Sarkozy, donc en 2012. Et je raconte ça, d'ailleurs une de vos collègues journalistes l'a relevé. Nicolas Sarkozy ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas autrement que militant. Et il a fait le tour des jeunes parlementaires. Et après m'avoir vu, me semble-t-il, il m'a reçu à la télévision. Et donc il m'a reçu et on a parlé. Il m'a demandé comment j'ai fait pour me faire élire à Tourcoing. Ouais. Deux ans plus tard, à la primaire de la droite, il devient son directeur de campagne. Vous devez désormais accueillir Laurent Wauquiez, Christian Jacob, François Baroin et Nicolas Sarkozy. Le jeune maire de Tourcoing observe et écoute la bête Nicolas Sarkozy. Mais l'ancien président de la République échoue au premier tour de la primaire de la droite. Gérald Darmanin se fait alors une raison. Le gouvernement, ça ne sera pas pour tout de suite. Interviewé sur la possible élection d'Emmanuel Macron, il joue sa partition d'opposant politique et critique ouvertement le futur président. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Jusqu'au jour où, en mai 2017, un compagnon de route chez les Républicains, Édouard Philippe, lui téléphone et lui donne rendez-vous à l'Élysée. Lorsqu'Édouard Philippe a suggéré son nom à Emmanuel Macron, qui évidemment ne connaissait pas Gérald Darmanin, donc il a convoqué ou convié Gérald Darmanin le soir de son investiture, et bon, manifestement, ça a accroché entre eux. Emmanuel Macron propose alors le poste de ministre du Budget au jeune élu de Tourcoing, une offre qu'il ne peut pas refuser. Il y a deux fonctions difficiles dans un gouvernement. Premier ministre et ministre du Budget. Bon courage. Chez les Républicains, encore aujourd'hui, on ne digère pas la trahison de Gérald Darmanin. Darmanin, c'est un traître pour vous, par exemple. Oui, excusez-moi, c'est des gens qui trahissent leur famille politique pour aller rejoindre un projet politique et pas le leur. Oui, c'est, j'appelle pas ça différemment. Pour moi, c'est vraiment un problème qui se pose pas, parce qu'il s'est séparé d'un parti politique qui avait cessé de croire à tout ce qu'il avait à professer pendant des années. Bon, il se trouve peut-être que c'était aussi ce qui lui a permis de poursuivre une carrière politique et de donner à cette carrière un retentissement inattendu, tellement il a été spectaculaire et rapide. Mais moi, je préfère de loin les gens qui trahissent leur parti que les gens qui trahissent leurs idées. Je m'appelle Gérard Miller, je suis psychanalyste, professeur à l'université et réalisateur. Lorsqu'on voit le parcours de Gérald Darmanin, on peut se dire qu'il est émaillé de plusieurs trahisons. La dernière en date majeure étant la trahison de son parti, les Républicains. Il n'a pas vécu ça comme une trahison. Je crois que Gérald Darmanin ne vit pas ça comme une trahison parce que il a le sentiment que tout ce qu'il fait est moralement justifié par le fait qu'il doit aller plus loin et il doit aller plus haut. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre chez certains hommes politiques, et notamment des hommes politiques qui réussissent. Je ne vais pas dire qu'ils sont brillants, mais qui réussissent. On a du mal à comprendre que l'absence d'épine dorsale, que la capacité justement de d'être ici un jour et là un autre jour, de dire une chose et puis son contraire, que c'est quelque chose qui participe de leur identité personnelle et que du coup, ils n'ont pas l'impression de se contredire lorsqu'ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas l'impression de trahir lorsqu'ils passent d'un camp à un autre, ils ont le sentiment que tout ça est en fait cohérent. Mais dans cette ascension fulgurante, des faits d'une extrême gravité vont ressurgir. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics visé par une plainte pour viol. Une femme a porté plainte en juin 2017 contre Gérald Darmanin pour des faits remontant à 2009. Les faits se sont déroulés en mars 2009. À cette époque, Gérald Darmanin est conseiller aux affaires juridiques de l'UMP. Sophie Patterson demande son aide pour faire réviser son casier judiciaire. Elle a été condamnée à un an de prison dans une affaire de chantage avec un de ses ex-petits amis. J'ai senti une honnêteté, une sincérité chez M. Darmanin. J'ai eu totalement confiance. Donc, M. Darmanin était totalement crédible. Totalement crédible. Rien, pas un regard, pas un geste déplacé, rien. L'entretien terminé, Gérald Darmanin propose à Sophie Patterson de reparler de son affaire lors d'un dîner. La jeune femme accepte. Après avoir dîné, Darmanin lui propose de l'accompagner dans un club échangiste. Jamais je me suis imaginé une seconde me retrouver dans un club échangiste. Voilà. Donc, je n'avais pas en plus la tenue, ce qui était une très bonne chose. Et en fait, le portier... il a dit, exceptionnellement, puisque t'es un habitué. Je vais aller dans le vif du sujet. Au club, j'ai essayé de l'éviter au maximum. Et quand on sort du club, j'ai quasiment plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Et je le revois parler avec la personne de l'hôtel, je suis en mode robot. Voilà, je suis consciente. C'est très étrange. C'est comme si je vais prendre une image, parce que je sais pas comment le matérialiser autrement. Donc, en fait, c'est comme si j'étais dans le film Ghost, comme s'il y avait, si j'étais une ombre, quoi. C'est très étrange. Très étrange. Et j'étais sur le bord du lit. Sur le bord du lit. Et j'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Comme si j'avais une chape de plomb, comme si j'avais un 3 tonnes sur moi, quoi. Pauline Baron, membre de la Coordination nationale Nous Toutes. Le fait d'en arriver, lorsqu'on est une femme, à avoir des rapports sexuels contraints avec un homme, pour le coup, ça, c'est des études psychologiques, notamment qui ont été pas mal menées au Canada et en Belgique, et qui expliquent en fait la réaction des femmes lorsqu'elles sont confrontées à cette forme de violence. Il y a le fait d'être figée. Par exemple, c'est-à-dire que vous êtes comme de la pierre, rock. Beaucoup de femmes expliquent sortir de leur corps. Cette soirée, c'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. C'est, comment vous dire ? Je pense que personne ne peut imaginer. Personne ne peut imaginer. À quel point ça a été un cauchemar cette soirée. C'est terrible d'être en otage en fait. D'être là, d'être dans le chantage quoi. Vous êtes là, comme une petite souris quoi. Puis vous avez le gros chat là à côté là, qui vous regarde avec les moustaches et il dit que vous allez être dévoré quoi. Après cette soirée, et à plusieurs reprises, Gérald Darmanin propose à Sophie Patterson de se revoir. Malgré plusieurs plaintes et un appel, l'affaire Patterson est classée à chaque fois sans suite. Avec ses avocats, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Mais suite à la première plainte de Sophie Patterson, une deuxième femme se disant victime du ministre va se manifester. Déjà visé par une enquête pour viol, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, fait l'objet d'une nouvelle plainte, cette fois pour abus de faiblesse. Les faits se sont déroulés en septembre 2015, lorsque Darmanin était maire de Tourcoing. Le second gars, dont je ne vais pas citer le nom de la personne parce qu'elle ne veut plus aujourd'hui parler à la presse, c'est une habitante de Tourcoing qui va solliciter Gérald Darmanin en tant que maire de Tourcoing pour qu'il l'aide à obtenir un logement social. Et là aussi, cette personne, lorsqu'on apprend la plainte de Sophie Patterson, va elle aussi déposer plainte pour des faits d'abus de faiblesse et de viol. Elle va elle aussi évoquer des faits, une demande de la part de Gérald Darmanin de relations sexuelles pour que lui-même envoie une lettre afin d'interférer en sa demande pour qu'elle obtienne un logement social. Là, l'affaire va être classée sans suite et la plaignante refuse aujourd'hui de parler à la presse. Si les deux affaires ont été classées sans suite, pour le collectif Nous Toutes, ces événements interrogent le comportement de Darmanin envers les femmes. C'est Gérald Darmanin et il y a une séquence qui est très parlante pour moi, c'est la façon dont, il y a quelques temps, il a répondu à Apolline de Malherbe. Personne. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Attendez, pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. C'est surtout l'attitude qu'il a eue lors de cette interview. En fait, il a ce côté de prestance, de « j'ai le pouvoir, donc je peux te rabaisser ». Je peux te rabaisser, notamment si t'es une femme, en fait. Et c'est ce qu'il va faire lors de cet échange qu'on a dit musclé avec Apolline de Malherbe, mais qu'elle a juste fait son job de journaliste, je dirais, où il va nécessairement la renvoyer, la déqualifier même ses compétences, en jugeant qu'elle n'a pas regardé tous les chiffres de l'étude du ministère, et la renvoyer nécessairement sur « elle ne sait pas gérer ses émotions, elle ne sait pas gérer son calme ». Donc il y a toujours ce côté très rabaissant, notamment à l'égard des femmes de Gérald Darmanin. Ces deux affaires ne vont pas empêcher Emmanuel Macron d'accorder une promotion à Gérald Darmanin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le président va même soutenir son nouveau ministre de l'Intérieur lors de la traditionnelle interview du 14 juillet. Dans le cas de Monsieur Darmanin, vous n'avez pas hésité une seconde avant de nommer... Mais j'ai eu une discussion avec lui, parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc, il y a aussi une relation de confiance d'homme à homme, si je puis dire, le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. C'est le poste dont il rêvait, ministre de l'Intérieur. Pour s'affirmer, l'ambitieux Gérald Darmanin va alors reprendre les codes de son exemple de toujours à ce poste, Nicolas Sarkozy. Une omniprésence médiatique et un goût prononcé pour les phrases polémiques. Le terme « nettoyer au Perchet » est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Je m'appelle Claude Guéant, j'ai 78 ans, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis aux Finances, puis secrétaire général de l'Élysée, et puis j'ai fini ma carrière active comme ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy est un ministre particulièrement actif et emblématique, parce qu'il a beaucoup médiatisé aussi un certain nombre d'initiatives qu'il prenait. Gérald Darmanin est aussi quelqu'un qui se donne entièrement à sa fonction. on peut pas dire qu'il ne mouille pas la chemise. Hein. Donc, il est très présent, il se saisit volontiers de l'actualité pour bâtir des projets. Alors, c'est un éternel thème de débat. On dit souvent, on a reproché à Nicolas Sarkozy de saisir l'événement pour faire des projets. Mais l'événement, c'est une vérité qui se révèle. C'est un problème qui survient, qui montre à quel point il est important, qu'il mérite d'être traité. C'est aussi, cet événement, l'opportunité politique, parce que médiatique en même temps, hein, en termes d'opinion, c'est l'opportunité de traiter des sujets qui ne peuvent que difficilement être traités à froid. Hein. Donc, Gérald Darmanin a cette méthode de se saisir de ce qui se passe, comme Nicolas Sarkozy le faisait, je trouve ça très bien. En tant que ministre de l'Intérieur, Darmanin va faire face à une forte contestation sociale. Écologie, réforme des retraites, des millions de Français marquent leur opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Face aux manifestants, le ministre de l'Intérieur va réprimer le mouvement social par la violence. Les forces de l'ordre procèdent à plus d'une centaine d'interpellations arbitraires et gardes à vue préventives. Et si Gérald Darmanin communique volontiers sur le millier de policiers blessés, 6 mois après le début du mouvement, aucun élément chiffré n'est disponible concernant les civils blessés dans les cortèges. Médic ! Médic ! Pourtant, plusieurs associations et organisations internationales mettent en cause les violences policières lors de ces manifestations. Et c'est à Sainte-Soline, lors d'un rassemblement contre un projet de méga-bassine, que la politique répressive de Darmanin va être complètement mise à nu. Grenades explosives, lanceurs de balles de défense. Les organisateurs comptabiliseront plus de 200 blessés, dont 2 personnes entre la vie et la mort. Une politique du maintien de l'ordre qui lui vaut d'être auditionné en commission d'enquête au Sénat en avril 2023. Là encore, Darmanin s'emploie à ce qu'il sait faire de mieux. Jérôme Durin, sénateur de Saône-et-Loire, vice-président de la commission des lois. On pense qu'on veut de Gérald Darmanin. Moi, c'est un adversaire politique. Je partage pas sa vision. Il fait pas semblant d'être à droite. Il ne le camoufle pas. Donc, il a sa ligne politique très claire. Il y a eu de nombreuses manifestations très importantes en France, singulièrement depuis le début de la réforme des retraites décidée par le gouvernement. Le sujet de la présentation que je vais vous faire, ce n'est pas de penser qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, c'est qu'il y a un problème d'ultra-gauche. Ce n'est pas un problème de maintien de l'ordre et de policiers, c'est un problème de violence urbaine, de guérilla. Un des arguments de ceux qui s'intéressent à la question du maintien de l'ordre et qui veulent documenter les violences qui sont commises par des policiers, par certains gendarmes, lors des opérations de maintien de l'ordre, c'est qu'on ne peut pas identifier les fonctionnaires de police au motif qu'ils n'ont pas le numéro d'identification, RIO, qui permet de savoir qui ils sont. Et donc, c'est une question qui est récurrente. Le ministre a déjà fait des rappels à ses troupes, aux forces de l'ordre sur le sujet. Et quand moi je reviens en commission, en audition sur le sujet... Le Conseil d'État doit rendre aujourd'hui sa décision concernant l'obligation de porter le numéro d'identification. Cette question, qui pourrait paraître accessoire, ne l'est pas pour 2 raisons. D'abord, l'identification des policiers intervenant dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre importe beaucoup, notamment s'il faut retracer la chaîne des responsabilités en cas de manquement déontologique. Ensuite, cela est perçu à raison par la population comme une évidence que l'on puisse identifier les policiers. Donc il répond sur le fond parce qu'il faut qu'il fasse, qu'il lâche un peu de pression sur le sujet. Sur le RIO, vous avez raison. Alors aujourd'hui, le Conseil d'État se prononce en référé. Donc il y aura une décision au fond, quelle que soit cette décision. Vous avez raison, il y a des policiers, des gendarmes qui ne portent pas leur immatriculation. Faut-il aller plus loin ? Bon, écoutez, on va y réfléchir. Si le Conseil d'État considère qu'il faut nous enjoindre de le faire. Bon. Et puis il répond aussi parce qu'il a besoin, dans sa stratégie politique, d'avoir des appuis ailleurs que dans son propre camp. Il joue très habilement Cet équilibre politique. Sous le feu des critiques concernant sa gestion des manifestations contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin va s'employer à détourner l'attention de l'opinion en tentant de discréditer les contre-pouvoirs. Il s'en prend ainsi publiquement à la Ligue des droits de l'homme, association de défense des droits humains, qui critique ouvertement sa gestion du maintien de l'ordre. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que le centre de gravité de l'opinion, c'est d'abord de ne pas aimer les casseurs. Et donc, assez habilement, quand on se positionne sur l'ordre d'abord, le dommage collatéral fait une association qui est pourtant utile, et on le sait ô combien, pour les libertés publiques, n'est pas sa priorité. Et c'est pas son électorat, c'est pas son public. Il a consolidé sa position, en donnant d'ailleurs le sentiment d'autorité. Donc je pense que, à la limite, la petite polémique qu'il a fait naître, ça lui va bien. La stratégie de criminalisation de l'action associative ne s'arrête pas là. Fin juin 2023, il prononce la dissolution de l'association Les Soulèvements de la Terre, qui est à l'origine de la manifestation à Sainte-Soline. Oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution Les Soulèvements de la Terre. Mais cette remise en cause des contre-pouvoirs agace jusque dans son propre camp. Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique et députée apparentée Renaissance, a signé une tribune intitulée « Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme ». Jointe par téléphone, elle explique pourquoi elle voulait marquer ses distances avec les prises de position de Gérald Darmanin. C'était important parce que je trouve qu'il y a une dérive. Il me semble que c'est un mouvement qui est dangereux et qu'on doit, quand on en a l'occasion, rappeler qu'une démocratie a besoin de contre-pouvoirs, qu'une démocratie a besoin de pluralisme et que tout ce qui est mis en place pour cela doit être protégé, que ça nous plaise ou non. On ne peut pas financer uniquement les associations qui vont diffuser la bonne parole du gouvernement. Donc oui, il a passé une limite qu'il n'aurait pas dû passer. Autre problème, le ministre va être rattrapé par ses mensonges, notamment quant aux incidents qui ont lieu au Stade de France le 28 mai 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billets. Ou encore sur Sainte-Soline et les nombreux blessés. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Ce que je peux vous dire d'expérience, c'est qu'il ne faut jamais farder la vérité. Hein. Vous ne pouvez pas tourner autour. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que la vérité n'est pas très facile à trouver. Et l'expérience que j'ai, c'est qu'une réaction à chaud d'un ministre de l'Intérieur est quelque chose qu'il est extrêmement dangereux de faire. Parce que, dans la chaleur de l'événement, vous avez un premier compte-rendu, et puis vous fondez sur ce compte-rendu pour dire « Mais est-ce que ce compte-rendu, qui émane d'une personne, qui a une vision, qui était à un endroit déterminé et pas dans tous les endroits d'observation possibles, est-ce que cela est fondé ou non ?» Très souvent, les premiers comptes rendus, et par conséquent les premières déclarations, peuvent être erronées. Selon Barbara Pompili, malgré les contre-vérités de Darmanin, ce dernier a toujours les faveurs d'Emmanuel Macron. D'un point de vue politique, ce que je constate, c'est quand lui s'exprime, quand il prend des positions et des postures très dures et très clivantes, le sentiment que j'ai est un sentiment qu'il le fait très librement et qu'il n'est pas rappelé à l'ordre, ou rarement. Je peux vous dire que quand d'autres veulent prendre des positions différentes et qui sont des positions qui vont un petit peu à l'encontre des positions de Gérald, c'est pas évident. Souvent, il y a des coups de fil, souvent, il y a des engueulades, soit des interrogations. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Conforté par le président de la République, Gérald Darmanin continue de placer ses pions. Je m'appelle Julien Garcia-Millet et je suis brigadier chef de police à l'office antistupéfiant de Bayonne. Je suis rentré dans la police il y a 20 ans et je suis dans la police judiciaire depuis le début. Même en étant adjoint de sécurité à l'époque, j'étais en police judiciaire et mon père était en police judiciaire avant moi. Donc c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN. Moi, je suis rentré dans la police clairement pour faire de la police judiciaire. Dernier coup en date de Gérald Darmanin, mettre totalement sous la coupe du ministère de l'Intérieur la police judiciaire. Petite explication. Actuellement, la police judiciaire est un service à part entière au sein des forces de l'ordre, ce qui leur garantit une certaine autonomie vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Avec sa réforme, Gérald Darmanin souhaite que la police judiciaire soit placée avec tous les autres services de police sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale qui sera lui-même sous l'autorité du préfet de la région. Pour les enquêteurs de la police judiciaire, cela aurait pour effet d'empêcher certaines investigations qui pourraient déranger le pouvoir. Demain, si le préfet dit au directeur départemental « Attention, ce dossier-là, bon, ben, c'est pas très, je veux pas trop que vous travaillez dessus, vous le laissez un peu de côté », le directeur départemental aura tout loisir d'effectivement pouvoir nous orienter différemment, nous faire travailler sur d'autres dossiers, de manière à ce que certaines procédures puissent rester, passer un peu dans l'oubli ou être un peu moins travaillées. Ce dont nous avons peur, c'est que le fait d'avoir connaissance de ces dossiers puisse volontairement ou involontairement faire venir le politique au niveau des enquêtes et nous empêcher ou nous orienter différemment en fonction des enquêtes que nous menons. Face à ce projet de réforme, c'est inédit. La quasi-totalité des effectifs de la police judiciaire va protester. Lors d'une visite du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, la police judiciaire de Marseille va symboliquement faire une haie d'honneur pour contester la réforme. Face à cette protestation, la décision de Darmanin ne se fait pas attendre. Il décide d'évincer le chef de la police judiciaire de Marseille, Éric Arella. C'est sûr que l'éviction de M. Arella a quand même un petit peu refroidi les ardeurs. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'est le fait d'avoir pris conscience que quoi qu'on fasse, la réforme, en fait, elle est arrivée à son terme. Nous, notre crainte, elle est là. C'est-à-dire que si la police judiciaire n'est plus là demain, si demain on n'a plus le temps de travailler sur les grosses équipes de braqueurs, sur les grosses équipes de trafic en drogue, sur les enquêtes au long cours, sur les enquêtes financières qui prennent du temps, on pense que les premiers qui vont en bénéficier, ça va être justement les voyous et les bandits, qui eux vont pouvoir proliférer et gagner de plus en plus d'argent et rentrer de plus en plus dans les structures sociales. Désormais, il reste une dernière étape à franchir à Gérald Darmanin pour assouvir son ambition. Il arrive à être proche de Nicolas Sarkozy, proche d'Emmanuel Macron, et de glisser de temps en temps de l'un à l'autre, aller de l'un vers l'autre, et plus souvent aller vers ceux qui exercent la réalité du pouvoir. Je crois qu'il y a aussi chez Gérald la volonté de jouer un rôle utile et important. Je pense que son ambition, c'est plus d'être président de la République que d'être Premier ministre, parce qu'il sait que son côté clivant au niveau de la fonction de Premier ministre, elle sera plus gênante. Parce que au niveau de la fonction de président, dans une campagne présidentielle, il peut y avoir des gens de gauche ou des gens de droite qui aiment la détermination, la confiance en soi que l'on peut manifester. Et qu'à la limite, l'accession au poste suprême est peut-être plus facile pour lui. Dans son récit, il aime raconter que sa mère est femme de ménage. On l'aperçoit à la télévision publique pour la première fois en 2019. On fait gagner 3 ans de travail en moins à ma mère. Pour revenir sur le cas de ma très chère mère, qui est femme de ménage. Et elle parle pas à ma maman. Mais aussi qu'il est le petit-fils d'un tirailleur algérien. Mon grand-père priait Allah et portait l'uniforme de la République. Partir de rien pour arriver triomphalement au sommet. Darmanin, lui, évidemment, valorise, porte au nu, peut-être même sa propre mère, et on ne saurait lui en faire le reproche. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel usage il fait de sa mère dans son récit personnel. Et je crois que plus il évoque la modestie sociale de sa mère, plus il évoque le fait qu'à 67 ans, elle est encore obligée de travailler pour subvenir à ses besoins, plus il se valorise lui-même. C'est-à-dire qu'elle est, en quelque sorte, une étrange statue du commandeur. C'est pas une statue qui le menace, c'est au contraire une statue qui le sublime. Plus sa mère est modeste, plus cela dit à quel point il a réussi. Plus il évoque ce grand-père algérien, plus on se dit « Ah, eh ben le petit Gérald, chapeau, il a drôlement réussi. » Donc c'est évident qu'il y a cette fonction-là de cette référence à sa mère. Elle est le regard qui lui permet de se voir en quelque sorte successful, de se voir en effet comme pouvant aller jusqu'au bout de l'ambition, jusqu'à la présidence de la République. Je m'appelle Antoine Duval, je suis un Français moyen. J'ai 40 ans. Je mesure 1m70, je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne, j'ai un compteur bleu et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte souvent. Je bois de la chicorée, je fais régulièrement la cure orange, je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Après 4 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, demandée par la France Insoumise, rendra ses résultats courant juillet, soit pile 1 an après la révélation du scandale. Les Uber Files, ce sont ces quelques 124 000 documents internes, datant des années 2013-2017, qui ont fuité grâce à l'ex-lobbyiste en chef d'Uber pour l'Europe de l'Ouest, Mark McGahn. Le traitement de ces documents par le Consortium international des journalistes d'investigation mettait notamment en évidence les pratiques agressives de lobbying d'Uber pour s'implanter dans différents pays et y changer les réglementations. La commission parlementaire cherchait à faire la lumière sur ces pratiques de lobbying auprès de différents décideurs français, mais aussi sur les conséquences économiques, sociales et environnementales du modèle Uber. Mais son volet le plus politique vise à comprendre à quel point Macron a servi de VRP de luxe à Uber en 2015, quand il œuvrait à disrupter le marché des véhicules de transport avec chauffeur contre l'avis du reste du gouvernement qui y voyait une concurrence déloyale pour les taxis. En 2015, Uber, attaqué de toutes parts en France, dispose d'un allié secret au sein du gouvernement, Emmanuel Macron, ministre de l'économie. C'est ce que révèle l'enquête Uber Files. Vous allez voir, il est difficile de dégager un récit vraiment commun de toutes ces auditions lors de la commission. Et puis de toute façon, la Macronie protège son patron. Donc d'un côté, il y a l'ex-ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et l'ancien secrétaire d'État chargé des transports Alain Vidalis qui défendent leur gouvernement de l'époque face au cynisme d'Uber et à la ligne libérale de Macron. Sans pour autant charger ce dernier trop directement parce que cela reviendrait à concéder qu'il les a roulés dans la farine. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, lui, a plutôt défendu l'ancien ministre de l'économie. Uber, par la voix de son nouveau PDG, entonne le refrain du « on a changé, il y a eu peut-être par le passé quelques mauvais diagnostics, mais on a bien avancé par la négociation ». Le gouvernement actuel dit en gros la même chose, rien de répréhensible dans le passé, et ce qui compte c'est de voir les progrès effectués depuis 6 ans. Mark Maghan, le lanceur d'alerte, lui, a considéré que le Macron de l'époque était dans son rôle, qu'il n'y avait pas de corruption à proprement parler, mais un manque de transparence dommageable pour la démocratie. Cependant, cette audition est accablante pour l'ancien ministre de l'économie. Le fait qu'on a pu avoir, par le biais de Google, de l'énarchie, des potes, etc., un accès direct à l'hôtel des ministres à Bercy et maintenir cet accès malgré le fait que nous étions sans le moindre doute dans l'illégalité totale, permanente, en France, par rapport à la loi sur les transports, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'URSSAF, par rapport à la DGCCRF. Avec le ministre de l'économie, il y a eu beaucoup de contacts parce que on avait des fins de non-recevoir par rapport à notre désir de trouver des solutions en France à l'Élysée de l'époque. En effet, le zèle du Macron de l'époque est confirmé. Uber et Macron ne sont pas seulement sur la même longueur d'onde idéologique, non, il y a eu de véritables connivences. Son travail pour arrondir les angles avec la DGCCRF, son intervention pour faire sauter l'arrêt préfectoral interdisant Uber à Marseille, les échanges de SMS lors des perquisitions, et la confirmation de l'existence du fameux deal entre Macron et les dirigeants d'Uber. Bien que la plupart des participants auditionnés préfèrent évoquer un simple accord beaucoup moins sulfureux. Uber abandonnait son système Uber Pop, totalement illégal, qui mettait en relation un client avec un quidam qui devenait chauffeur le temps d'une course. En échange, Macron s'engageait à faire assouplir la loi Thévenoud qui réglemente l'activité des VTC, notamment en faisant baisser considérablement le nombre d'heures nécessaires de formation pour devenir chauffeur. Vous vous souvenez peut-être du SMS lunaire révélé par les Uber Files, dans lequel Macron écrit à Travis Kalanick, l'ancien PDG d'Uber, que Bernard Cazeneuve avait accepté le deal. Moi j'aime bien le relire avec en tête la musique du Parrain. Est-ce qu'on peut faire confiance à Caz ? Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve fera taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Mais devant les députés, Cazeneuve comme Valls ont démenti catégoriquement avoir eu même connaissance de ce genre de négociation avec Uber. On ne saura pas ce qui s'est vraiment passé. Lorsque l'affaire des Uber Files est sortie en juillet 2022, Macron a fait mine d'assumer. Mais je l'assume à fond. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi ? Je le referai demain et après-demain. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Minimiser est en effet la stratégie de la Macronie depuis le début. Pourtant, lors de sa campagne de 2017, Macron avait caché le truc. On s'est battu pour avoir une loi, d'accord ? Qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe, votre directeur de cabinet, monsieur ? Attendez, pardon, là vous faites des accusations. Non, attendez. Au mois de juillet, il y a eu un article, on voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs, en train de manger avec un peu l'écosystème du VTC, les loueurs attendez, du véhicule, non, les vendeurs de pioches. D'abord, là, c'est... Ce que vous dites... se battaient contre cette loi. Non mais attendez, Baroun, c'est terminé, réponse de Emmanuel Macron attendez, et on change de thématique, s'il vous plaît. On peut pas dire tout et n'importe quoi. S'il vous plaît. En fait, pour faire la lumière sur le rôle exact de Macron et déterminer s'il y a eu entente illicite, il eût été utile d'auditionner son cercle proche de l'époque. Par exemple, Alexis Kohler, alors son directeur de cabinet, et surtout Emmanuel Lacresse, alors membre du cabinet de Macron, est constamment cité pendant les travaux de la commission d'enquête. C'est ce que réclamait la rapporteure, la députée LFI Danielle Simonet, mais son président, le député Renaissance Benjamin Haddad, a posé son veto et mis un terme aux auditions fin mai. Donc, zone grise, entorse à l'éthique publique, absence de transparence, chacun choisira ses mots. Il reste que Macron rencontrait des représentants d'une grande société privée et négociait quelque chose, sans concertation avec son gouvernement. Des rencontres qui ne figurent pas à l'agenda officiel de l'ancien ministre et au cours desquelles, selon Le Monde, un deal secret aurait été conclu. En fait, ce qui sauvera un peu Emmanuel Macron après ses auditions, c'est que, de fait, à part sur ce fameux deal, il a perdu tous les arbitrages du gouvernement, ce qui suggère qu'il n'a pas été, pour Uber, un cheval de Troie très efficace. Attendons le rapport définitif, mais il est très probable que le Macron de 2015 s'en sorte très bien. En revanche, ce que j'ai trouvé très instructif, c'est qu'il se dessine un Macron de 2023 toujours au service d'Uber, notamment qui cherche à torpiller les avancées législatives européennes. En effet, un texte important adopté par le Parlement européen en février prévoit une présomption de salariat pour les chauffeurs et livreurs ubérisés. Mais le gouvernement français, au sein du Conseil de l'Union européenne, cherche à imposer, à l'inverse, la présomption d'indépendance, voulue par les lobbyistes d'Uber ou Deliveroo. Les travailleurs de plateforme demeureraient présumés indépendants, à moins qu'ils ne prouvent le contraire. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Au fond, il y a sous cette affaire des questions de souveraineté et de capture du législateur. Le gouvernement s'est-il fait forcer la main par la société américaine, ou bien a-t-il choisi librement de profiter de l'opportunité, au moins via Bercy, de progresser sur la néolibéralisation d'un secteur de l'économie? Ensuite, on aime souvent dire à quel point Bruxelles surplomberait l'État français et lui imposerait de l'extérieur des réformes néolibérales. Mais ici, on voit plutôt un Parlement européen qui avance sur des propositions sociales et un État français parfaitement souverain qui vient contrecarrer le processus. Merci d'avoir suivi ce On sort les dossiers, c'était le dernier de la saison. Vous pouvez continuer à suivre le Stagirite sur YouTube, Twitter ou Facebook. Et en attendant, vous pouvez aider le média à débarquer sur la TNT en nous aidant financièrement ou en signant la pétition. Vous pouvez aller voir les liens qui sont en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes loin des alarmes coulant un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Ce sont des mots d'affection, de peine partagée. Ces images extrêmement choquantes. Notre détermination à ce que toute la vérité soit faite. Je demande solennellement de décréter l'état d'urgence. Est-ce qu'un refus d'obtempérer justifie de tirer à bout portant ? La mort du jeune Naël, tué par un policier à Nanterre mardi, c'est le sommaire un peu bousculé de ce numéro 46 du Bonbon de Serre. Est-il encore possible d'arrêter la spirale de la violence, de faire que la justice s'applique dans toute sa rigueur, sans que le pays bascule dans l'engrenage de l'émeute et de la répression, comme en 2005, quand deux adolescents poursuivis par la police étaient morts électrocutés à Clichy-sous-Bois, Trois semaines d'émeutes avaient suivi le drame. Ce jeudi après-midi, à Nanterre, à proximité de la cité Pablo Picasso, une marche blanche rendait un dernier hommage au jeune Naël tué mardi par un policier motocycliste. Justice pour Naël ! Justice pour Naël ! Justice pour Naël ! Justice pour Naël ! Vendez la banderole ! Vendez la banderole ! Les lumières, la banderole ! Les hommes qui sont sur les côtés, mettez-vous derrière ! Tout le monde déteste la police ! Tout le monde déteste la police ! À l'issue de sa garde à vue, le policier auteur du coup de feu a été présenté à deux juges d'instruction en vue de sa mise en examen pour homicide volontaire. Il est placé en détention provisoire. Mardi soir, Nanterre a connu une première nuit d'émeute. Celle d'hier, la seconde donc, a été nettement plus violente, comme en témoignent ces images tournées au petit matin. Voitures brûlées, ébauches de barricades, asphalte fondu, écluses et palais de grenades lacrymogènes, autant de stigmates qui montrent que l'appel au calme du maire de Nanterre, Patrick Jarry, est resté vain. Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l'ordre ont interpellé 87 personnes dans la capitale et les départements de la Petite Couronne. 14 policiers ont été blessés. Pourtant, l'exécutif s'est montré à la hauteur, une fois n'est pas coutume. Il a tout de suite perçu le caractère dévastateur de la vidéo sur laquelle on voit le fonctionnaire de police tirer sur l'adolescent. Comment ce tir, que rien ne semble justifier, n'aurait-il pas provoqué l'indignation générale? Comment, dans un contexte croissant de dénonciation des violences policières, cet homicide, en direct ou presque, n'aurait pas été ressenti comme la dérive de trop? Le principe de réalité s'est imposé. Voilà pourquoi hier, le chef de l'État a lui-même pris la parole, témoignant d'une empathie inconnue chez lui. Ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec, évidemment, célérité. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Et il faut du calme partout parce que nous n'avons pas besoin d'avoir, en effet, un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Il aura donc fallu 6 ans pour qu'Emmanuel Macron s'exprime comme un président doit le faire en pareilles circonstances. Mieux vaut tard que jamais. Et ce n'est pas la seule surprise de la séquence. La veille, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin s'est montré irréprochable dans ses habits neufs de ministre de la République. Butés ce matin, en effet, à Nanterre, deux motards de la DOPC, de la préfecture de police, ont procédé à un contrôle. Nous ne connaissons pas, sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement, comme beaucoup de Français, les conditions exactes, puisque les policiers, en ce moment, sont auditionnés par les services de la justice. Deux enquêtes ont été confiées à l'IGPN. Et évidemment, je veux aussi dire que c'est un drame que ce jeune conducteur de 17 ans soit mort des suites de ce contrôle, manifestement. Je veux, moi aussi, comme le maire de Nanterre que j'ai eu au téléphone en début d'après-midi, dont je salue aussi les paroles républicaines qu'il a portées médiatiquement, avoir le plus rapidement possible, pour la famille de ce jeune homme, pour la ville de Nanterre, mais aussi pour la police nationale et pour ses policiers, les résultats de cette enquête, en respectant évidemment les procédures judiciaires. Je veux aussi vous dire ici que je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés, et notamment de celui qui a tiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ces actes, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame, et je veux aussi être attentif à la présomption des fonctionnaires, de l'innocence des fonctionnaires de police. La terne Elisabeth Borne a elle aussi laissé percer une émotion. La première ministre a condamné sans appel le meurtre du jeune conducteur. Un jeune homme de 17 ans a été tué. C'est un terrible drame. Et je veux commencer par dire ma profonde émotion et adresser mes condoléances à sa famille, à ses proches et à son quartier. Le président de la République a eu l'occasion de le dire ce matin. C'est la nation tout entière qui est touchée par ce drame. Je me suis entretenue tout à l'heure avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Je lui ai dit mon soutien, celui de mon gouvernement, et j'ai partagé avec lui notre détermination à ce que toute la vérité soit faite. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. Les images choquantes diffusées hier montre une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie. Elle a commencé son travail. Un policier est en garde à vue. Quelle est la part de sincérité dans ces postures? Chacun appréciera. Mais en témoignant leur sympathie pour la victime et en reconnaissant de facto la faute du policier, le chef de l'État et le gouvernement se sont mis à dos le parti de l'ordre. la droite et l'extrême droite. Ce matin, Éric Ciotti réclamait des mesures d'exception pour enrayer les émeutes. Je demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai sur la base de la loi du 3 avril 1955. Cette loi peut concerner l'ensemble du territoire ou elle ne peut concerner que des parties de ce territoire. Et je propose qu'elle soit appliquée dans les quartiers qui, la nuit dernière, ont fait l'objet des plus graves violences et des exactions les plus condamnables. La veille, Marine Le Pen avait dénoncé les propos du président. Alors, les propos tenus par le président de la République sont très excessifs et je trouve irresponsables. Est-ce que l'acte est inexcusable ? Est-ce qu'il est inexplicable ? C'est à la justice de répondre. Une ligne de fracture qui était déjà perceptible mardi à l'Assemblée. D'un côté, ceux qui placent l'exigence de justice avant la défense des forces de l'ordre. De l'autre, ceux qui font le choix inverse. Ainsi, Mathieu Lefèvre, député Renaissance et ancien collaborateur de Gérald Darmanin. Je ne crois pas qu'il y ait de problème de doctrine. Et encore une fois, les émotions, quand on a quelqu'un qui refuse d'obtempérer, elles peuvent aussi venir très vite. Vous savez, la justice ne se rend pas sur la base d'une vidéo de 30 secondes. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est... aussi parfois, peut-être, mais on verra très bien ce qui se passera dans l'enquête administrative et dans l'enquête judiciaire. Et moi, je ne connais pas un cas dans lequel il y a des policiers qui ont eu un comportement qui était un comportement erroné où il n'ait pas été sanctionné. Ils sont toujours sanctionnés. Mais ce que je reproche, c'est ce discours qui consiste à dire tout est de la faute des policiers. Non, pardon, je dis pas que c'est vous, mais j'ai vu ça dans les tweets de gauche et d'extrême gauche. Le premier problème, c'est d'abord le refus d'obtempérer. Moi, quand on me demande de m'arrêter, je m'arrête. Sébastien Jumel lui répond. Est-ce qu'un refus d'obtempérer justifie de tirer à bout portant ? Est-ce que un défaut de permis de conduire, peut-être qui aurait été le motif de la fuite, justifie l'utilisation d'une arme ? Est-ce que les policiers, dont la tâche est difficile, ont des arguments pour considérer qu'ils étaient menacés ou non ? Tout cela devra être évidemment interrogé, enquêté. Mais la première des réactions, c'est la sidération. Vous me montrez les images. Je les découvre en même temps que vous m'interrogez. Sidération, et puis quand même, je me dis, notre société est bien malade. Il y a vraiment urgence à réconcilier la République avec elle-même, peut-être même les forces de l'ordre avec les citoyens eux-mêmes, de quel que soit où ils habitent. Jean-Philippe Tanguy, porte-parole du Rassemblement national, estime que les forces de l'ordre doivent bénéficier d'une présomption de confiance. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant ces images, qu'est-ce qu'ils se disent dans la voiture, est-ce que la personne dans la voiture avait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé après. Voilà, donc moi, pour moi, il y a une présomption de confiance dans les forces de l'ordre de la République. S'il y a eu un accident, une erreur humaine ou quelque chose d'inacceptable, l'enquête le prouvera. Mais je ne vois pas en quoi, comme le fait toujours la gauche, mettre de l'huile sur le feu, accuser les forces de l'ordre sans éléments de preuve, permet de rendre justice ni à nos institutions, ni à la famille de la victime, il devait y avoir une enquête. Voilà, donc aussi les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques apprennent la retenue et attendent de savoir ce qu'il en est. En tout cas, on ne rend pas la justice sur la base d'une vidéo d'iPhone. Manuel Bompard, le numéro 2 de la France Insoumise, souligne que sans la vidéo, la version policière des faits aurait été tout autre. Bien évidemment, une vidéo, ça ne dit pas tout d'une scène. Mais ce que j'observe, et c'est la raison pour laquelle nous avons réagi pour notre part, c'est que dès ce matin, dans les articles qui évoquaient ce triste événement, les sources policières qui étaient citées donnaient une vision des choses qui était manifestement une vision des choses mensongère. Et à partir de ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a un climat d'omerta permanent où quand il y a une situation de cette nature, il y a une tentative de l'institution de en permanence protéger les policiers. En l'occurrence, bien évidemment, tous les policiers ne font pas ça, mais quand il y a des policiers qui ne respectent pas la loi et la doctrine qui est définie d'usage de la force, il faut qu'ils soient sanctionnés et donc il ne faut pas que l'institution policière les protège. Et donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu un certain nombre de réactions indignées ce matin. Ce jeudi soir, 40 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays pour prévenir les violences, dont 5 000 affectés à la surveillance de Paris et de la Petite-Ville.

novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffe et Tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en avare, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Anne Guidoire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à TV5 Monde. Alors, la mort de cet adolescent a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a provoqué un émoi considérable, déclenché 4 jours d'émeute en France. L'Algérie a réagi. Est-ce que c'est quelque chose d'inédit? Alors, d'inédit depuis presque 2 générations. C'est-à-dire qu'il faut remonter vraiment aux années 70, parce que entre les années 70 et 80, il y a eu une vague d'assassinats à un moment donné d'Algériens et de Maghrébins à Marseille, presque une 50aine d'assassinats, dont 17 rien que dans la région marseillaise, contre des immigrés qui étaient à l'époque algériens. N'est-ce pas? Et là, effectivement, il y avait des communiqués du gouvernement algérien qui étaient vigoureux, qui intervenaient vigoureusement à l'encontre du gouvernement français, au point que l'Algérie a suspendu l'immigration légale algérienne en 1974 vers la France. C'est dire que les rapports étaient vraiment exécrables de ce côté-là. Depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts de la Seine. Ces Algériens ont fait des petits, qui en ont encore fait des petits. On est 2 générations plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes que nous voyons dans la rue, même quand ils se baladent avec un drapeau algérien, sont des citoyens français à part entière, mais d'ascendance algérienne. Justement, Slimane, je vous interromps un instant pour vous poser cette question précise. Le jeune Naël dont nous parlons, est-ce qu'il était français d'origine algérienne ou franco-algérien? En d'autres termes, est-ce qu'il avait la double nationalité ou pas? Alors, il est français à part entière, mais il est d'ascendance algérienne. Comme il y a des millions de Français d'ascendance italienne, espagnole ou marocaine. Mais il est français et effectivement d'ascendance algérienne. Ce qui est inédit, pour revenir à votre mot par rapport à ce communiqué, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un Français d'ascendance algérienne défraye la chronique, soit pour des succès littéraires, des triomphes sportifs, soit pour des faits de violence ou pour un événement tragique comme celui qui s'est déroulé à Nanterre. Ce qui est nouveau, c'est que le gouvernement algérien, par l'entremise de ce communiqué, intervient dans le débat interne, alors que le président Macron est intervenu d'emblée pour dire que c'est une tragédie, le gouvernement algérien incite le gouvernement français, c'est-à-dire le gouvernement algérien reconnaît une sorte de protection. Alors, à votre avis, pourquoi, justement, est-ce qu'il y a cette intervention inédite, dites-vous, du gouvernement algérien, aujourd'hui, pour la mort de ce jeune homme, ce qui n'a jamais été fait, quasiment pas, dans le passé? Cela intervient dans un contexte de dégradation, d'une dégradation des rapports franco-algériens, dégradation qui ne veut pas dire son nom, car officiellement, tout va très bien. Les deux présidents, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, s'entendent très très bien. Néanmoins, l'intendance derrière ne suit pas. Vous vous rappelez la polémique qu'il y a eu en France ici avec toutes les surenchères sur le fait qu'il fallait abolir le traité franco-algérien de 1968 qui accorderait des privilèges pour l'immigration algérienne. Donc il y a eu une polémique très véhémente ici en France qui a eu son écho symétrique en Algérie avec une campagne de presse très, très anti-leadership français, avec le rappel des vieilles rancunes sur la guerre, la colonisation, etc. Bref, il y a un climat vraiment électrique. Et donc, cette tragédie de Naël a fourni comme une sorte de fenêtre d'opportunité pour que ce communiqué, effectivement rarissime, du ministère des Affaires étrangères algérien, intervient dans la scène française en disant « Attention, ce garçon était algérien, il faut le protéger en tant qu'Algérien ». Slimane, le gouvernement algérien indique qu'il continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire. Est-ce que ça veut dire que cet événement pourrait impacter la relation déjà délicate, peut-être même difficile, entre les deux pays, en quelques mots ? Il en rajoute une couche, mais je pense que c'est fini. Là, le prétexte a été utilisé, il y a une pique polémique, il y en aura une autre probablement d'une partie française contre le leadership algérien, mais je pense que ça va s'arrêter là, car on ne spécule pas décemment sur la mort d'un homme, qui plus est un enfant. Slimane Seguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci à vous, Slimane. Où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtus de soleil et noyés de bleu tendre, et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les affaires, elle et lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante. Un chant pur et fraternel, dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage. Elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel de ma patrie. Une petite revue de presse. Tiens, le Canard Enchaîné, par exemple, un réacteur chinois d'EDF touché en plein cœur. L'EPR de Taishan 1 a été secrètement stoppé le 1er février. Des gaines métalliques contenant les pastilles d'uranium se détériorent trop vite au risque de se rompre. L'électricien français s'est bien gardé le clair au nez. Depuis le 1er février, le réacteur numéro 1 de l'EPR de Taishan ne produit plus d'électricité. Et il ne s'agit pas d'un arrêt technique pour remplacer le combustible, mais bien d'une nouvelle panne, selon les informations recoupées par le canard enchaîné, le réacteur chinois, dont la conception est identique à celle de l'EPR de Flamanville, souffre d'une oxydation excessive des gaines d'éléments combustibles, une découverte quelque peu radioactive. Placé dans le cœur du réacteur, le combustible des EPR est constitué de pastilles d'uranium empilées dans des tubes de 6 mm de diamètre et d'un peu plus de 4 mètres de longueur, également appelées gaines. Conçues pour résister aux fortes variations thermiques et aux bombardements neutroniques, par des neutrons, ces fourreaux métalliques sont fabriqués dans un alliage de zirconium avec un soupçon de fer. Les substances radioactives très dangereuses pour l'environnement ne doivent en aucun cas se répandre dans l'eau qui circule dans le cœur nucléaire. Et il y en a une page complète comme ça. Et il y a des Français qui sont encore pour le nucléaire. Eh oui, des électeurs, des consommateurs, des électeurs. La police, symbole de la République, a assassiné Naël. La police, symbole de la République, a assassiné Naël. Ces jeunes ne naissent pas anti-flics. Ils le deviennent par le comportement systémique des policiers, par vos directives. C'est vous qui devriez avoir honte, démissionner. Cela appellera au calme. Cédric Héroux, de la France Insoumise. Jean Moulin, héros parce qu'il a choisi d'agir. Juillet 1943, il y a 80 ans, la résistance française perdait son fédérateur, probablement mort sous la torture. Officiellement, Jean Moulin est décédé le 9 juillet en gare de Metz. En réalité, encore sujette à débat, aujourd'hui, est sans doute plus complexe, et il semble évident que Max, comme on l'appelait dans la résistance, n'a pas rendu son dernier souffle en Moselle. Qu'il soit mort en Moselle ou ailleurs, d'une certaine manière, peu importe. Ce qui est très important, c'est que quelqu'un a été obligé d'organiser la résistance pour chasser les nazis de France. Chasser les nazis de France, déjà à cette époque-là. Encore à cette époque-là, ou toujours. Les deux as lorrains disparaissent dans le ciel russe. Oui, parce que nazi, c'est comme ça que ça s'appelait dans les années 40. Avant, ça s'appelait autrement, et puis après, ça s'est appelé autrement. Mais bon. Les deux as lorrains disparaissent dans le ciel russe. Il y a 80 ans, les 16 et 17 juillet 1943, les Lorrains Henri Litolf et Jean Tulane, deux pilotes parmi les plus brillants du fameux régiment de chasse 230 Normandie-Niémen, disparaissaient dans la bataille de Course-Aurel. Alors cette escadrille Normandie-Niémen avait été voulue par De Gaulle et Staline ensemble pour faire une sorte un peu de contrepoids au front ouest, qui était dominé nettement par les Américains, hein, et qui voulait tenir De Gaulle un peu en laisse. Alors De Gaulle voulait être indépendant. Il s'est battu sur les deux fronts, le front de l'ouest. Les Français se sont battus sur les deux fronts, le front de l'ouest avec les Anglais et les Américains, et sur le front de l'est avec les Soviétiques. Travail dissimulé, des millions d'euros de redressement en 2022 en Lorraine. Dans les 5 ans, l'URSSAF va encore augmenter ses moyens humains et technologiques pour lutter contre le travail dissimulé en Lorraine. En 2022, le montant global des redressements réalisés sur ce territoire s'élève à 7,33 millions d'euros. Mort de Naël, le gouvernement sur la corde raide. L'exécutif a jonglé jeudi entre apaisement et fermeté après une deuxième journée de violence provoquée par la mort de Naël, tué par un policier, mis en examen pour homicide volontaire, et placé en détention provisoire. Ces émeutes viennent rappeler que la politique de ville est l'un des angles morts du pouvoir macronien. Épinal. L'agglomération d'Épinal va louer l'hydrolienne de Peba, déterminée à développer les énergies renouvelables et forcément désireuse de réduire son budget électricité. La communauté d'agglomération a décidé de louer l'hydrolienne de la société Peba, que la société Peba a installée sur un bras de la Moselle à Épinal. L'électricité produite alimentera plusieurs bâtiments publics. Voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi peut-être des éoliennes, je sais pas. Mais en tout cas, du solaire. Eh oui, le solaire. Thermique et photovoltaïque solaire. C'est gratuit, le soleil. Eh oui. Enfin. Un jour, on avancera. Un jour, on mettra une patte devant l'autre, et puis l'autre devant l'autre, et puis on avancera. Ah, ce sera le progrès, ce jour-là. Vosges, 6 voitures brûlées ou vandalisées, mais aussi des feux de poubelles. Vendredi 30 juin 2023. 3 quartiers vosgiens situés dans les Vosges dans les villes d'Épinal, Saint-Dié et Remiremont, ont subi des incendies. Si des doutes sont émis sur le caractère intentionnel des feux de poubelles à Saint-Dié, il n'y a aucun doute pour ceux d'Épinal et Remiremont, où 6 voitures ont été volontairement incendiés et vandalisés. Bien entendu, la police va trouver les coupables et la justice va punir les coupables. Bien entendu. Hein? Ah oui, le macronisme, c'est de la République en marche. Eh oui, c'est de la vraie République, le macronisme. Donc, la police et la justice feront leur travail. Hein? Bien sûr, on connaîtra les noms des coupables. Voilà. Alors, il y a quand même dans l'article, vers la fin, entre guillemets, on n'a aucune idée d'où ça vient. Voilà. Oui. Bon. Alors, près de 200 personnes mobilisées en soutien aux services hospitaliers. C'était le samedi 1er juillet 2023. Une manif avait eu lieu la veille. Près de 200 personnes mobilisées en soutien aux services hospitaliers. Alors, près de 200 personnes se sont rassemblées devant le centre hospitalier de Remiremont à l'appel de l'ADEMAT-H pour manifester leur soutien aux services hospitaliers, en particulier la néonatologie et la maternité. La direction assure que la néonatologie ne fermera pas. Eh oui, il y avait 200 personnes présentes. Alors, pas que des gens de Remiremont, hein. Non, des gens des communes voisines qui sont concernés par les kilomètres qu'il faut faire pour arriver à la maternité. Eh oui. Il y avait un farceur qui racontait que le maire de Remiremont l'avait chargé d'une mission, relever les noms des manifestants, de manière à pouvoir dire aux prochaines élections que les personnes en question avaient le droit de vote. Ben oui, parce que c'était des citoyens actifs. Hein, et que ceux qui n'étaient pas venus à la manifestation, par contre, eux, eh ben, ils perdraient leur carte d'électeur, parce qu'ils étaient des citoyens inactifs. Hein, hein, comment on peut faire pour raconter des bêtises pareilles? Hein, allons, eh oui, allons. Et puis, il y en avait un autre qui racontait aussi que si on ferme la maternité, c'était très bien, parce que ça permet de faire des économies. Ben oui, économies de éclairage, chauffage des locaux, le personnel, le matériel, etc. Et puis que 3 ans après la fermeture de la maternité, eh bien, on pourrait fermer les écoles maternelles. Eh oui. Et puis après, on pourrait fermer les écoles primaires, et puis les collèges, et puis les lycées. Et puis on fermerait la gare, la poste, la mairie, etc., etc. Et oui. Et Remiremont deviendrait une ville déserte. Et oui. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de naissances à Remiremont? Pourquoi donc? Est-ce que c'est le chômage qui fait peur aux gens? Est-ce que les gens ils ont peur de mettre au monde des futurs chômeurs? Hein? Ben oui, ça fait 30-40 ans que les gens se posent des questions sur le chômage et que nos élus ne font rien pour changer les choses. Hein, à quoi ils servent tous ces élus-là, tous ces détenants du pouvoir, hein? À quoi que ça sert tout ça? On les paye cher, pour pas grand-chose, hein? 30 ans de chômage à 6 millions de chômeurs. Eh oui, 6 millions de chômeurs en France en 2023, bien c'est comme en Allemagne. Et il y avait 6 millions de chômeurs aussi, pour 60 millions d'habitants, en 1923, il y a un siècle pile. Et quelques années après, eh bien, qu'est-ce qui arrive au pouvoir? Eh bien, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait, eh oui, 64 millions de morts. Vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la bombe atomique. Et la bombe atomique, elle est arrivée tout à fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait à la fin. Et maintenant, il y a beaucoup de pays qui détiennent des bombes. Et Poutine. Et d'autres encore. Alors, Mordenail en Nanterre, parents et médiateurs en première ligne. 4 jours après la mort du jeune Naël, lors d'un contrôle de police, des émeutes d'une rare violence se poursuivent partout en France, souvent sous l'impulsion de jeunes mineurs. Oh. Il y aurait beaucoup de points d'interrogation à mettre à la suite de tout ça. Qui est à l'origine de ces mouvements-là et dans quel but? De qui faut-il effrayer? Qui veut-on effrayer? Est-ce qu'on veut effrayer les électeurs de droite, les électeurs de gauche, les électeurs du centre, les chômeurs, les travailleurs, ceux qui ont les syndicalistes, les militants politiques, les commerçants, les artisans, les banquiers, les politiciens, les hommes politiques, etc., etc. Ah, ouais, point d'interrogation. Ouais, ouais, ouais. Terrorisme. Samedi 1er juillet 2023, Vosges matin. Procès Waffenkraft. Ah, rien à voir avec les sujets précédents. Waffenkraft. Was ist das? Waffenkraft. Waffenkraft. Je sais pas, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans les radios libres, ça. Waffenkraft. Est-ce que c'est le nom d'un groupe de rock? Je sais pas. 1 à 18 ans de prison contre les accusés. La Cour d'assises spéciale des mineurs de Paris a rendu son verdict vendredi dans le procès de la cellule A, cellule néo-nazie, Waffenkraft. Il me semblait bien que c'était pas de l'anglais, que c'était plutôt de l'allemand, qui menaçait en 2018 de commettre des actions violentes, le premier du genre pour la menace d'ultra-droite. Donc les nazis de 1923 en Allemagne ont un peu immigré dans différents pays, et dont la France. Il y a des... On est mal parti. Il va falloir réagir, les républicains, si vous voulez sauver la République. Hein? Parce qu'elle est de nouveau en danger. Alors, Allemagne, réfugié de guerre en 2015, un jeune Syrien devient maire en 2023. Il s'appelle Ryan Asbeld. Il a 29 ans. En avril 2015, il avait fui la guerre en Syrie. En avril 2023, les 2600 habitants d'Ostelheim, Bad Württemberg, lui ont accordé 55% des voix au premier tour de l'élection municipale. Ce réfugié syrien est désormais le maire de ce village allemand. Il y en a un qui doit être jaloux, hein. C'est Emmanuel Macron. Parce que un gars qui arrive d'un pays étranger, qui s'intègre dans un village et qui reçoit au bout de quelques années 50% des voix au premier tour des élections municipales, ça doit lui poser des problèmes quand même à Macron. Il doit dire quand même, les gens ils m'en veulent, hein. Ah, les gens ils sont pas reconnaissants. Oh. Si, des fois, oui. Ça dépend où, ça dépend pourquoi. Darnay, la Tchéquie, la Slovaquie remercient encore la France. Ce vendredi 30 juin marquait le 105e anniversaire de la reconnaissance de l'État tchécoslovaque par le président français Raymond Poincaré, qui devenait le premier à le faire. Comme chaque année, une cérémonie était organisée devant le mémorial tchécoslovaque. Voilà. Alors maintenant, la Tchécoslovaquie est devenue d'un côté de la frontière la Tchéquie et de l'autre côté la Slovaquie. Maintenant, quand on se balade en voiture, on passe de la Tchéquie à la Slovaquie, devant les postes de douane qui sont abandonnés. Et on fait, bon, voilà. Les deux pays font partie de l'Europe. Neuchâtel, il y a 100 ans, la ville honorait Louis Pasteur en lui dédiant une journée. Scientifique ayant notamment mis au point un vaccin contre la rage, ah bon, tiens, Louis Pasteur est reconnu sur l'ensemble du territoire. Neuchâtel ne fait pas exception et a même fait mieux en dédiant à l'homme de science une journée lui rendant hommage il y a 100 ans. Voilà, Haïti doit être une priorité internationale, plaide l'ONU. Depuis Port-au-Prince, encerclé par les gangs prédateurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce week-end le monde à faire du drame des Haïtiens une priorité, déplorant les hésitations à envoyer une force internationale pour aider la police. Alors, un tract paru sur Internet, c'est la faute aux parents, n'est-ce pas? Alors, la faute aux parents. Accident grave, alcool, port d'armes. Ce que l'on sait de la mise en examen du fils d'Éric Zemmour. Accident grave, alcool, port d'armes. Ce que l'on sait de la mise en examen du fils d'Éric Zemmour. L'accident a été extrêmement violent à Paris. Le fils d'Éric Zemmour était en état d'ivresse. Violence conjugale. Le fils aîné d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mis en examen. Le fils de Valérie Pécresse, contrôlé en possession de cannabis. Clément Pécresse, le fils de la présidente de la région Île-de-France, a été interpellé jeudi à Paris en possession de 3 kg de cannabis. 3 kg de cannabis. C'est pas un vendeur au détail, c'est un grossiste. Hein? C'est un commerçant qui a pignon sur rue, on dirait, ici ou là. Valérie Pécresse a pourtant fait de la lutte contre la drogue une promesse de sa campagne. Eh oui, Valérie Pécresse avait fait promesse de la lutte contre la drogue une promesse de sa campagne. Le fils de Nadine Morano, interpellé pour délit de fuite sous l'emprise de cocaïne, a été placé sous contrôle judiciaire. C'est la faute aux parents, n'est-ce pas? Restructuration chez Carrefour. 1 millier de départs volontaires. Tiens, dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, 1 millier de personnes quittent volontairement leur emploi. Tiens, c'est bizarre ça. On écrit des choses dans le journal parfois. La Bresse, la vigilance s'impose car la sécheresse s'aggrave. Ah oui, il va falloir économiser l'eau, parce qu'il n'y a presque pas d'eau dans la rivière. On voit les cailloux partout. Environnement, lundi 3 juillet 2023, le biochar, un ingrédient prometteur pour l'agriculture et le climat. La combinaison des mots biologique et charbon, le biochar, est vanté par le GIEC comme l'une des solutions pour séquestrer le CO2, gaz carbonique, sur le sol durant des siècles. Favoriser la rétention d'eau et la fertilisation des plantes. Un or noir qui intéresse de plus en plus les start-up françaises. Start-up. What is it? What is that? Start-up. Is that a phrase de Zichwort? Start-up. Hein? Ah, je sais pas.